Et salut, c'est l'heure de I Hate Music, émission punk 100% DIY. Et on commence cette émission avec plein de super nouveautés, des groupes qu'on a déjà écoutés dans l'émission, qui nous viennent avec des super disques, des trucs hyper cool du fin fond de l'Europe ou de l'autre côté de la planète, du vieux punk et de vieux synth-pop. On commence d'abord avec Second Death, excellent groupe qui nous vient d'Angleterre avec des membres du groupe Now, excellent groupe donc qui nous venait de London, vraiment très bien. Si vous connaissez pas, vous trouvez ça sur internet, ça défonce. Le groupe Second Death donc nous a sorti à la fin de l'année 2024 un mini LP, same title, sur la label Es un Mousse. On va s'en écouter deux titres bien puissants, Inanity et Caving. Second Death de London. Ensuite, on va écouter Obedient qui nous revient avec Hiding from the Real World. C'est sorti sur Soldas Records. C'est excellent. Le groupe, on en a déjà passé puisqu'ils ont sorti déjà plusieurs EP. Je crois que ça doit être leur troisième sortie. Le groupe nous vient de Vancouver. Ils nous servent un hardcore, ma foi, bien cuisiné. On va le constater avec trois titres excellents, Hiding from the Real World, Waiting to be Saved et Bitter Man avec Obedience. Et on va finir ce tiercé avec The New Keys, excellent groupe qui nous vient de Suède, qui nous revient avec un LP, Paralysis of Fear. C'est sorti fin 2024 sur l'excellent label danois Adult Crush Records, un label qui sort tous les bons trucs scandinaves. Et voilà, on va s'écouter deux titres, encore bien hardcore cette fois-ci, Up to No Good et Devour, New Kiss. On commence d'abord avec Second Death, Inanity, Caving. Let's go! I'm in the wrong. Ebim, c'était The New Keys avec Up to No Good et Devour. Juste avant, on s'écoutait Obedient, Hiding from the Real World, Waiting to be Saved et Bitter Man. Encore avant, on s'écoutait Secondus avec Inanity et Caving. On continue cette playlist musicale avec un excellent groupe tout droit de Barcelona et le groupe Aspre, excellent groupe qui nous a sorti une démo l'année dernière, c'est vraiment cool, la démo est sortie en cassette sur Plastic One Records. Le groupe se compose de membres de Lampen ou Domination, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment cool, ça joue bien. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en concert et c'était vraiment une tuerie à chaque fois. Voilà, que des bons musiciens et musique puissante avec aussi des paroles qui veulent dire quelque chose et qui sont chantées en catalan. On va pouvoir le constater avec Una vida que et mata et la derrota de ser huma. Voilà, Aspre de Barcelona. Ensuite, on va continuer toujours avec du chant en espagnol et Deseos Primitivos, excellent groupe qui nous vient de Californie. On en a déjà écouté plein, ils ont sorti un EP et un LP avant. Ils nous reviennent avec un nouveau LP, Lineas de Muerte. C'est un tout juste de sortir sur Shadowplay Records, c'est tout juste, tout frais, c'est hyper bien. Toujours fidèle à le style qu'ils faisaient avant, avec peut-être des morceaux un peu plus post-punk. Mais c'est vraiment cool, vous le constaterez avec la manière de chanter, de la chanteuse qui est vraiment, vraiment entraînant. Moi j'adore, c'est vraiment cool. On va s'écouter trois titres puisque c'est comme ça. Cadenas, No Soy Yo et No Culpes, Deseos Primitivos. Et voilà, on a voyagé en Europe et aux États-Unis, on va maintenant du côté de l'Océanie avec un groupe de Melbourne en Australie et le groupe Rub, groupe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert puisqu'ils vont sortir un split avec un autre groupe qui s'appelle Backhand, donc c'était annoncé pour la fin 2024, ce n'est pas encore sorti pour l'instant, donc to be released. En tout cas, c'est vraiment bien, j'ai écouté les trucs qu'ils avaient fait avant, c'est vraiment cool. Et puis on va s'écouter le titre qu'ils ont prévu donc pour ce split, Good Block de Rub, un groupe de Melbourne. J'espère qu'on aura l'occasion de repasser quelques morceaux quand le split sera sorti. Voilà, on commence avec deux titres de Aspre, Una vida que te mata et La derrota del ser humano. Aspre. Oh! Hey, on a écouté Rob avec Good Block. Juste avant, trois titres de Deseos Primitivos, Cadenas, No Soy Yo, No Culpes. Encore avant, Aspre, Una Vida Que Et Mata, La Derrota de les Seres Humains. On continue cette playlist musicale avec des groupes vraiment, vraiment très très cool et Bad Anxiety. C'est du hardcore vraiment rapide et cool qui est né d'un solo project. Voilà, c'est décrit comme du hardcore à l'époque de Reagan. Évidemment, ça a été déniché par l'excellent label Refuse Records qui nous sort toujours des bons trucs hardcore, même si ça reste plus. Ça reste plus punk et avec un style années 80. Voilà, Bad Anxiety, donc solo project avec un gars qui est originaire de l'état du Mississippi aux États-Unis. On a sorti donc un same title EP l'année dernière et on va s'en écouter trois titres. Un titre assez court, Police, Peace et Big City. Bad Anxiety. On continue, on va cette fois-ci du côté de la Norvège et Oslo, qui n'est pas en rade de groupe de punk, même si on n'entend pas toujours parler. Et on va écouter les titres de Assistert Sjolmord, un excellent groupe avec une meuf au chant. Ils ont sorti un same title OP l'année dernière sur Export Platter. On va s'en écouter deux titres vraiment cool. Voilà, ça fait vraiment ambiance années 80 en Scandinavie. Si vous avez l'occasion d'écouter des groupes comme Electric Dead ou des choses comme ça, ce sera pour vous. On va s'écouter deux titres, Klima Bomb et Toxicity Assisted Sjolmord. Et on clôturera ce tiercé du côté de Lille et on prend les mêmes et on recommence comme d'habitude. L'équipe lilloise nous a fait comme tous les ans, nous a concocté un nouveau groupe avec différentes personnes, différentes visions et différentes paroles. Mais bon, voilà, l'esprit est toujours là. Et cette fois-ci, c'est Columba Triste. Je suppose que c'est en espagnol. Donc, c'est sorti sur les labels de comme d'habitude, Lada Records, Une Vie pour Rien, Louis Pleur, etc. Ça va sortir bientôt et ce sera un 12 inch. Voilà, excellent. Et hâte de le voir en concert. J'ai vu qu'il repasse avec Amelia Silentis bientôt. Peut-être qu'on aura aussi Columba Triste. En tout cas, on va s'écouter un excellent titre, toujours empreint de nostalgie, Radical Mentalité. On commence d'abord avec trois titres de Bad Anxiety, Police, Peace et Big City. Bad Anxiety, let's go. Police! The police of war have to be police! Rookie government victim is police! Bunch of kids are drinking from police! Big the officers, they're coming for you! You better run! White hood! Let's end this crime! Police! The boys are blue are after you, police! Rookie got the victim who's police! Bunch of kids are freaking with police! And pick the lock shooters, they're coming for you! You better run! White hood ain't true! Let's end this crime! Big city, one way or the other. Oui, c'était trop cool. Columba Triste, Radical Mentalité. Juste avant, on s'écoutait Assisted, Soul Mood, Climat Bomb et Toxicity. Encore avant, trois titres de Bad Anxiety, Police, Peace et Big City. Voilà, je vous ai concocté un petit tiercé protopunk. Plutôt états-unien, avec des groupes qui ne dépassent pas les années 80. Et on va commencer d'abord avec Flaming Groovies, un petit morceau qui s'appelle Slow Days. Excellent morceau sur lequel je suis retombée l'autre jour et qui m'a mis dans la nostalgie. Il a été sorti sur un EP Slow Days et Tallahassee Lassie, qui était sorti en 1972 sur United Artists Records. Voilà, c'est un groupe qui venait de San Francisco. Ils ont sorti leur premier album en 1968 et bon, voilà, ils sont vraiment à l'origine des premiers groupes qui étaient à la fois rock avec cet esprit de l'époque et puis qui commençaient à virer déjà avec des morceaux punk. Vraiment, ils ont des morceaux. Ouais, c'est punk, garage, enfin, c'est vraiment, vraiment bien quoi. En tout cas, toute leur discographie est cool et voilà, je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas. En tout cas, ce titre Slow Death est vraiment cool. Flaming Groovies. Ensuite, on va s'écouter un classique, New York Dolls. On ne les présente plus, vous les connaissez certainement. Et leur LP Same Title était sorti en 1973 sur Major. Donc voilà, comme l'indique son nom, le groupe nous venait de New York. Il a officié entre 1971 et 1975. Dans les premiers groupes, on va dire, à avoir un look un peu drag, comme il y avait dans les groupes glam avec des chaussures ou des bottes à plateforme. Voilà, mettez des robes et des barésilles, c'était super provoque pour l'époque. Voilà, New York Dolls, on va s'écouter l'excellent titre Looking for a Kiss, New York Dolls. Ensuite, on va s'écouter une petite rareté avec Venus and the Razor Blade. Excellent groupe qui s'est formé en 76 et qui a duré pas plus d'un an. Il nous venait de LA et en gros, on fait une formation avec une espèce de casting pour former un groupe. Et la chanteuse n'avait que 14 ans alors qu'elle a une voix hyper mature et bon, elle avait vraiment la voix d'une fille de 20 et ça collait grave, elle avait l'attitude et tout. Et effectivement, on va le constater avec ce titre. Il y a plusieurs morceaux qui sont en alternance soit avec le chant féminin ou avec le chant masculin. En tout cas, ce titre « I wanna be where the boys are », il fait très de l'époque, ça fait penser au titre que Runaways par exemple. Le LP où est sorti ce titre, c'est Songs from the Sunshine Jungle, il était sorti en 1978 sur Visa Records, Venus and the Razor Blades. Donc on se d'abord avec Flaming Groovies, Slow Death. Let's go! Big kid.

Oui, c'était hyper cool. Venus and the Razor Blades. I wanna be where the boys are. Juste avant, on s'écoutait New York Dolls, Looking for a Kiss. Et encore avant, on s'écoutait Flamingos, Slow Death. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On va encore s'écouter trois titres hyper cool, puisque je vous ai concocté une petite sélection de French synth-pop des années 80. On va commencer avec un titre un peu plus électro que synth-pop, mais voilà, vraiment cool, avec Summer Holiday. Excellent projet franco-américain, avec un des gars de Marie et les garçons qui a joué aussi dans Electric Callas. Le groupe nous venait exactement de Brooklyn, il était basé à Brooklyn avec ses deux acolytes qui nous ont sorti un LP Shake Your Molecules, Neutron Dance, c'était le nom du EP qui était sorti en 1984 sur les disques du Soleil et de l'Acier. Voilà, un groupe vraiment très très cool, Soma Holiday. Ensuite, on va écouter un très classique, Ellie et Jacques No, avec le titre Main dans la main. Excellent groupe. Voilà, avec Ellie, donc Ellie Mineros, et Jacques No, qui a fait aussi plein de disques vraiment cool de son côté. Le LP sur lequel est sorti s'appelait Tout va sauter. Il était sorti en 1980 sur une major. Ellie et Jacques No. Un titre Arte aussi avec Agathe and Regrets, une chanteuse qui a fait un groupe qui s'appelait The Regrets, donc qui jouait avec Agathe and The Regrets et qui a fait des projets solo un peu plus gnagnon. Mais voilà, en tout cas, ce titre Je ne veux pas rester chez moi seul, qui était sorti sur un EP 45 tours en 1983, qui était aussi sorti sur une major, la petite fraîcheur des années 80 et le petit synth-pop qui va bien. On commence d'abord avec Summer Holiday, Shake Your Molecules. Après sera la fin de l'émission. Moi, je vous dis à dans un mois et à bientôt. Bye bye. Cheers.